515, activation, oral and written, matters of age. Listen to the questions, answer orally, and complete the written sentences according to the example. You hear, 1. Quel âge avez-vous, vous deux? You answer, nous avons 19 ans. And you write, avons. 2. Quel âge as-tu? Quel âge a Marie-Laure? 4. Quel âge a-t-il? 5. Quel âge ont-ils? 6. Quel âge ont-elles? 7. Et moi, j'ai quel âge ?